serai loin, perdu dans un monde sans toi. Rêve de moi. Aide le destin me ramener près de toi. Rêve de moi. Si l'hiver est long, garde le printemps au fond du cœur. Rêve de moi. Le premier pigeon sera notre porte-bonheur. Rêve de moi. Comme je t'aimerais, toi si jolie, toi si douce, toi que j'aime. Je te donnerai toute ma vie, oui, ma vie à toi que j'aime. Même quand il fait jour, n'oublie jamais de t'arrêter pour rêver de moi. Cherchons mon amour un coin où nous avons été. Rêve de moi. Tu es là, la vie devient une aquarelle. Mon rêve, c'est toi. Ensemble, on s'en va changer la pluie en arc-en-ciel. Je rêve avec toi. Dans le vent du soir, mes mains caressent tes cheveux. Rêve de moi. Et si tu veux me voir, toujours la vie au coin des yeux. Rêve.